Amis humains, bonjour. Quatrième volet 2. Nous assistons à l'écroulement d'un monde. Des forces immenses sont sur le point d'être déchaînées. Entretien avec Frédéric Lordon. Frédéric Lordon est économiste. Il est directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de sociologie européenne, CSE. Comédie sérieuse sur la crise financière. En quatre actes, et en alexandrin, Seuil, 2011, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, La Fabrique, 2010, et l'intérêt souverain. Essai d'anthropologie économique, La Découverte, 2011. Il a accordé un long entretien à la revue des livres fin décembre 2011. Il nous livre ses commentaires et analyses de la crise économique actuelle et de ses origines. Avec un ton incisif et un regard acerbe, il revient sur les causes et effets de la crise elle-même, mais commente également le traitement de l'économie par les médias, la place de l'économie au sein de l'institution universitaire, et l'éventuelle sortie de l'euro. Sonnant le glas du projet néolibéral, l'actualité est, nous dit-il, une occasion unique de changement profond. Un monde s'écroule sous nos yeux. L'acharnement avec lequel les économistes orthodoxes ont entrepris d'éradiquer, car c'est vraiment en ces termes qu'il faut dire les choses, toute différence hétérodoxe et toute pensée critique est très impressionnant. Ce sont des affaires tout à fait concrètes, très mesquines vues du dehors, de sombres petites histoires de postes, de bourses de thèses, de colloques et de revues. Mais il faut savoir par exemple qu'il ne passe plus un seul hétérodoxe à l'agrégation de sciences économiques, qu'il n'y a plus une seule promotion au grade de directeur de recherche pour les hétérodoxes au CNRS, et que, même après la crise, cette politique d'éradication continue de plus belle. Évidemment, ces seuls faits suffisent à organiser la disparition de l'hétérodoxie par pure et simple attrition démographique, plus personne habilité à encadrer des thésards égale disparition des thésards. Les conditions d'entrée dans les institutions académiques sont si atrocement adverses pour de jeunes docteurs hétérodoxes qu'il faut des saints, ou bien des fous, pour envisager de s'y lancer. Or il faut rapporter tout ceci à ce verdict intellectuel qui va paraître invraisemblable de prétention et que je n'hésiterai pourtant pas un instant à prononcer. La pensée hétérodoxe a eu tout juste et les économistes orthodoxes tout faux. Et bon courage à ceux qui continuent de croire que la science, économique en tout cas, est un univers de purs esprits. C'est là qu'on voit l'autonomie relative et la clôture sur soi du champ, normalement à compter parmi ses bonnes propriétés, se retourner contre lui. Le choc énorme de la crise n'y a produit presque aucun effet, et nous n'avons même pas la reine d'Angleterre. Elle, au moins, s'est majestueusement étonnée que, parmi tout ce que le royaume compte de distingués économistes, il ne s'en soit pas trouvé un ayant pignon sur rue. Leurs hétérodoxes à eux, comme les nôtres, vivent dans des caves, pour voir venir le coup et avertir du séisme. Et les économistes de la Royal Academy ont bien été forcés de répondre. On ne peut pas dire qu'il en soit sorti grand-chose, mais, au moins, ils ont dû s'expliquer un peu. En France, rien, nada. Les mêmes continuent de tenir colloque, de ne rien changer à leur petit modèle, et la chasse à cour à l'hétérodoxe continue d'aller bon train. On me dira que j'exagère un peu en soutenant qu'il ne se passe rien, et ce ne sera pas complètement inexact. J'ai auparavant dans vos colonnes Mêmes envisagé le renversement de l'hégémonie de la théorie néoclassique et son remplacement par le paradigme de la neuroéconomie comportementale. On aurait pourtant tort de croire qu'on gagnerait au change, intellectuellement ou politiquement. Et comme il m'est impossible d'expliquer en détail ici pourquoi, je me contente d'une super ellipse en invitant les gens à découvrir le Alliance Global Investor Center for Behavioral Finance. Ils y verront les plus fameux neuro-économistes déjà maquis avec l'un des plus importants investisseurs institutionnels de la planète, et ils devraient donc par anticipation savoir à quoi s'en tenir. Oui, les anciens orthodoxes ont collaboré avec la finance qui a fini par s'en écrouler, mais les nouveaux n'ont rien de plus pressé que de prendre leur place. Est-ce que le terme néolibéralisme est utile et approprié pour désigner ce qui fait la singularité de tout ou partie des transformations contemporaines du capitalisme? Qu'est-ce qui caractérise le néolibéralisme, et quel rôle joue la finance et la dette dans la logique qui est la sienne? Curieusement, comme l'a souligné Maurizio Lazzarato, Michel Foucault, dans sa généalogie de la pensée néolibérale qui a contribué à mieux saisir la nouveauté du néolibéralisme, à ne plus voir en lui qu'un retour au laisser-faire du 19e siècle. n'accorde pas le moindre rôle à la question de la finance et de la dette. Il ne m'a jamais semblé très pertinent de juger un propos à travers ce qu'il laisse de côté, sauf évidemment à ce que le manque ait visiblement valeur de symptôme ou bien à ce qu'il nuise décisivement à l'intention démonstrative de l'auteur. On aura donc du mal à reprocher à Foucault de ne pas avoir fait le tour complet du néolibéralisme, à plus forte raison à l'époque où le cours naissance de la biopolitique est prononcé, alors qu'on en est encore au tout début du processus et qu'il aurait fallu une redoutable prescience pour en anticiper tous les développements à venir. Je rappelle par exemple que l'effondrement du taux d'épargne des ménages états-unis et l'envol de leur taux d'endettement, fait caractéristique par excellence du capitalisme néolibéral, ne se produisent qu'à partir de 1984-1985. En France, il faudra attendre le milieu des années 1990, moment de l'installation dans un régime de mondialisation franche. Pour autant, Maurizio Lazzarato a incontestablement raison sur une chose: si l'on comprend le néolibéralisme non pas comme simple configuration de licence étendue mais comme régime de normalisation positive, alors, évidemment, il faut y inclure tous les effets de la dette. Je vais avoir l'air de faire dans l'écuménisme facile, et pourtant je le pense vraiment de point. Il faut au moins reprocher à Foucault d'avoir oublié l'endettement et la finance, qu'il pouvait difficilement voir, que savoir gré à Lazzarato de les avoir ajoutés au tableau d'ensemble. Reste la question de savoir si la période actuelle tombe entièrement et exclusivement sous le concept du néolibéralisme tel qu'il nous est livré par la pensée foucauldienne. Sur ce point, je serai un peu plus réservé. Il est bien certain que l'insistance de Foucault à défaire une vue des institutions ne les connaissant que sous l'espèce de la négativité, pour les faire enfin apparaître dans la positivité de leur production normative, permet de saisir une caractéristique très profonde de la période actuelle: les secteurs de la société soumis au fléau du pouvoir normalisateur de l'évaluation en savent quelque chose. Et il était sans doute utile d'apercevoir cette productivité des institutions, notamment étatiques, pour ne pas commettre l'erreur consistant à assimiler le néolibéralisme à un libéralisme classique simplement intensifié ultra comme on l'a beaucoup dit. Qu'il y ait du nouveau dans ce libéralisme-là, justifiant pleinement son préfixe, n'est donc pas douteux, et s'il était probablement nécessaire au début de tordre le bâton dans l'autre sens, il ne faudrait pas non plus oublier tout ce que le régime actuel a conservé du libéralisme classique entendu comme abattement des dispositifs de contention permettant de retenir l'élan des puissances privées. Je ne partage donc pas l'idée que la lecture libéraliste du néolibéralisme était un contresens total. À l'évidence, elle manque la positivité normalisatrice du néo et l'instauration d'un régime très particulier de disciplinarisation, mais elle saisit néanmoins le prolongement et l'approfondissement des traits du libéralisme le plus classique. Défaire les cadres institutionnels, réglementaires, et légaux qui contraignaient les actions des agents et les retenaient, pour les plus puissants en tout cas, de pousser leur avantage au-delà d'un certain seuil affecte décisivement la distribution des ressources de pouvoir dans la société et notamment le rapport de force capital-travail. Il est très clair que ce rapport change du tout au tout selon que l'on passe d'une économie où des droits de douane font régner un protectionnisme modéré, où le régime des investissements directs est sous contrôle strict, la finance rigoureusement encadrée et compartimentée dans des espaces réglementaires nationaux, les banques surveillées, souvent nationalisées, la bourse et le pouvoir actionnarial quasi inexistant, à une économie où le libre échange fait jouer le plus violemment possible la concurrence entre espaces à standards sociaux productifs abyssalement différents, où le régime des investissements directs totalement libéralisé déchaîne le chantage aux délocalisations, où la finance est déréglementée, là, est-il besoin de s'appesantir, et où le pouvoir actionnarial règne en maître sur les entreprises. Or, les dynamiques économico-politiques qui se mettent en place du fait de ces transformations structurelles procèdent d'abord très classiquement de la libération des élans de puissance privée, du fait de l'abaissement des retenues institutionnelles, soit pour le dire plus simplement, d'une extension du laisser-faire, et ceci même si cette extension ne s'opère pas spontanément mais suppose l'intervention des réglementatrices, exogènes, des politiques publiques, nationalement ou par traités européens, accords et organismes internationaux, OMC, AGCS, etc., interposés. Il reste en tout cas que bon nombre des phénomènes de la période actuelle relèvent en premier lieu de cet effet d'élargissement de l'ensemble stratégique des agents, quelle est la latitude des actions licites qui s'offrent à eux de telle sorte. Évidemment, qu'ils ne profitent qu'aux plus puissants. Dès lors que ces derniers peuvent faire des choses qui leur étaient interdites, ils les feront s'ils peuvent en tirer avantage. Si délocalisés, ou menacés de le faire, et d'à gagner sur le niveau des salaires et les conditions de travail, ils délocaliseront. Si l'injonction d'extraire toujours plus de rentabilité des capitaux propres permet d'intensifier la productivité, ils en joindront, et ainsi de suite. Pour autant, il y a moins à opposer les effets du néo et du vétéro qu'à les articuler, c'est l'effet laisser-faire qui soutient l'effet normalisation. Il faut avoir d'abord entamé la négativité des cadres institutionnels préexistants, et que les dominants aient étendu leur ensemble stratégique, pour pouvoir instaurer de nouvelles positivités normalisatrices. Les normes de l'évaluation qui ravagent tant de secteurs de la société trouvent sans doute pour partie leur origine dans la révolution financière qui a imposé et diffusé un peu partout ses propres schèmes normatifs, rating, reporting, benchmarking. Le paradigme de l'évaluation permanente, c'est la finance libéralisée qui, comme son nom l'indique, a été libéralisée. Pour que ces schémas apparaissent, il a d'abord fallu abattre des barrières qui restreignaient la latitude stratégique des investisseurs. Décompartimentés, déréglementés, désintermédiés, dénationalisés ont été les prérequis de la nouvelle positivité normalisatrice de la finance, et toutes ces actions ont à voir avec la question négative, des limites. Si bien qu'il faudrait peut-être se donner un nouveau concept de la configuration présente du capitalisme, il s'agit non pas simplement de néolibéralisme au sens foucauldien que le terme a désormais pris, mais, le bâton tordu puis détordu, de quelque chose qui ferait les parts égales du néo et de l'ultra. Il y a quelque chose d'assez fou, d'assez ahurissant dans tout cela, dans notre incapacité collective à arrêter la catastrophe en cours. Est-ce que le qualificatif de suicidaire, appliqué aux élites politiques et économiques, est approprié? Comment une telle hybride est-elle sociologiquement possible? Comment se fabriquent des élites aussi folles? En général, il est de bonne méthode de ne recourir que le plus tard possible, et même préférablement pas du tout, aux catégories de la psychopathologie pour rendre compte d'un phénomène social. Mais il faut bien reconnaître que dans le cas présent, on ne peut pas s'empêcher d'y songer. Fin de cette quatrième partie. À bientôt, Biz Numérique.